chez Dolboto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolboto, au 1770 Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Puis sa première défaite samedi à Brooklyn, c'est le boxeur natif de Saguenay, Frentien Tétou, qui a perdu contre David Benavidez par arrêt de l'arbitre au septième round. Et ça s'est terminé dans la controverse. Quoi qu'il en soit, on en parle avec le principal intéressé, Frentien Tétou. Salut Frentien! Ça va bien, hey, Frentien. Effectivement, on peut dire que ça s'est terminé vraiment dans la controverse, hein? Exact. Je venais de faire une combinaison. Lui, il m'a passé deux coups. Je l'ai attrapé comme on a le droit d'attraper un adversaire pour l'attraper sur une position. L'arbitre est venu pour nous séparer quand on était comme adossés l'un à l'autre comme dans un show. Il est venu nous séparer, puis il a décidé à ce moment-là, même pas avant de nous séparer, quand il a fini de nous séparer, il a levé le bras en l'air pour dire que le combat était fini, mais c'est sans... Personne n'a donné pétrin, il m'a jamais donné l'avertissement. J'ai essayé de se tourner vers le fait que j'avais un œil enflé, mais l'œil enflé, le médecin m'avait dit que c'était correct. C'était correct. Même le médecin, on a eu même fois de tourner là parce que c'est moi qui était le numéro un de tous les. Il y a des questionnements avant de boxer. Et les mots à l'envers, ils donnent des chiffres aussi, ils répètent à l'envers, ils donnent des chiffres qui leur tiennent. Ils disent les mêmes mots à la fin de la discussion. C'est moi qui ai eu le meilleur score de tous les boxeurs de la compétition. Puis j'ai eu 29 sur 30. Tu sais, je veux dire, on avait une relation, il sait très bien que si je disais que c'est correct, c'est correct. C'est là où il y a. Je suis un gars qui veut se taper sa gueule, qui fait son rock. Ouais. Pour faire d'un œil. Fait que c'était vraiment dans la controverse. Puis, écoute, c'est n'importe quoi. Mais écoute, c'est un excellent boxeur David Benavidez, c'est pas pour rien lui enlever, c'est un excellent boxeur à fondant, il est excellent. Mais il faut arrêter de voir les gens. Il faut arrêter de se limiter en tant qu'individu. Moi, ce combat-là, j'étais là-bas, puis je me suis dit, je mets les gars avec Betardier ici, puis les gens qui me parlent d'aller de la vitesse, comme si c'était, il était meilleur que Betardier. Tu sais, si je peux tenir Betardier en sparring, ben, ce gars-là, c'est pas vraiment qui m'a amené le plus haut que ce niveau-là. Tu comprends? Fait que moi, j'irai avec la confiance de dire, non, on va aller voir ce terrain qui se passe. Tu sais pas ce que le monde dit, tu vois, là. On a eu peur du bonhomme, c'est pas bien longtemps avant de savoir que, On n'a jamais fait ça, finalement. Fait que je me suis dit, écoute, ça fait bon sens. Je me suis dit, écoute, c'est très tolérable. Le gars frappe dur, mais tolérable. Il n'y a personne qui peut frapper à pleine puissance, faire longtemps, si tu ne peux pas stopper le gars. Donc, ouais. Dire, si tu essaies de me stopper, tu mets de l'énergie, mais c'est toi qui vas en avance. Moi, je prends l'attaquant. Je le pince aussi. Puis le combat était enlevant. Il y a des temps où je l'ai poigné, il m'a poigné. Je l'ai même ébranlé, je l'ai vu, c'est que les gens. Fait que c'était vraiment intéressant comme combat. Il y avait du suspense. Les gens aimaient voir la fin de ça. Avec ce que l'arbitre a fait, c'était comme si on avait une panne d'électricité. Mais est-ce que vous avez essayé d'avoir des représentations? Est-ce que vous avez essayé de savoir quelque chose là-dessus? On essaie de savoir des choses, mais là, actuellement, écoute, c'est très difficile d'essayer de pénétrer au niveau de la réglementation, puis essayer de renverser une décision, une histoire de fou. Au mieux, ce qui peut arriver, ça peut être une revanche. Ou comme dans mon cas également, en plus de la revanche qui m'était possible, que c'est moi qui étais gagnant de ça parce que les gens ont vu comment j'ai combattu. Puis quand le combat a été arrêté subitement, bizarrement, on a très bien vu que j'étais en train de renverser les affaires au septième round. Je gagnais le septième round, je suis en train de renverser les affaires, puis il commençait à être très facilement touchable. Puis je suis fort physiquement, même si lui était très fort physiquement également aussi, malgré qu'il y avait moins de musculature. Ça part des jambes, il a fait un excellent travail, mais je suis convaincu que j'aurais pu trouver une surprise, puis j'aurais aimé ça moi-même, finir mon histoire, parce que c'est pas question que je m'allonge. Si j'ai tout fait ces coups pendant 6 rounds, 7 rounds, non, on va aller jusqu'au bout. Puis je pense que sur un 10 rounds, j'aurais même pu le stopper. Okay. Tu dis que Benavidez est représenté par Al Haymon, c'est ça? Exactement, Al Haymon. Sans rien enlever à l'Emen. L'Emen, c'est l'homme puissant actuellement de la business. Comme on dit, c'est un gérant très influent. Donc, de ce qui se dit sous les branches, c'est très difficile de battre un boxeur de MMA si tu... Okay. Si Benavidez a 19 ans, toi t'as 34 ans, tu me dis que la manière que tu parles, ça, que tu, ça allait très bien pour toi. Dans le fond, Benavidez est vu comme un prospect à 19 ans, toi t'es pas vu comme nécessairement un prospect à 34 ans. Penses-tu que s'il aurait fait subir la défaite à Benavidez, que ça aurait reculé sa carrière, puis c'est un peu à cause de ça, ou pas vraiment? Moi, je voyais le chemin comme déjà tracé d'avance. C'était mon tour à venir. Benavidez, il y a 19 ans, il peut revenir il peut revenir jouer une carrière à 19 ans. Là, écoute, j'ai battu du monde intéressant. J'ai déjà battu Adonis Stevenson ce matin. J'ai battu Sébastien Bouchard. J'ai battu Keith Rangic. J'ai battu Andrew Gardiner. J'ai battu des excellents boxeurs ce matin. Puis, je peux surprendre aussi en boxe. Actuellement, je donne beaucoup de troubles à beaucoup de boxeurs qui n'ont pas de défaite. Je fais partie des rangs des boxeurs qui n'ont pas de défaite autant que le Mignon, mais il est quand même très solide. Autant que Alvarez, Bétardier, je m'entraîne avec les autres. On m'a dit, je me suis régulièrement les gars avec les autres. Même si on n'est pas dans la même équipe, on joue dans le même niveau, dans le même coup. Fait que, Benavidez, je peux être une des quatre. Je peux le battre, Benavidez. Je pense que sur un 10 rounds, 12 rounds, je peux battre. Okay. Est-ce que, c'était sur Showtime, tu sais comment c'était important sur Showtime, et c'était en sous-carte de Keith Thurman. Keith Thurman, qui est un excellent boxeur. Penses-tu vraiment que ta prestation t'a aidé beaucoup? Qu'on est sur Showtime, ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux. Il faut voir le combat. Il faut voir le combat. Quand je m'énervais, des fois, je plaçais des coups solides. Quand il s'énervait, il plaçait des coups solides aussi. J'arrivais à en encaisser certains. Mais à un moment donné, dans mes coups à moi, j'ai ma vision à moi. Je l'ai branlé à un moment donné. J'ai fait mal au corps aussi à un moment donné. Mais je sens que je me suis quand même exprimé. Je me suis senti en très bonne forme. T'sais, j'ai poussé ce que j'avais poussé. Puis il m'a donné un bon niveau. Fait que je suis pas d'humeur à chialer. J'ai donné beaucoup. Il était très solide également aussi. Mais j'aurais fait les 8 rounds. J'aurais fait les 8 rounds. 7-8, j'aurais été correct. Puis en plus, je suis tellement, comment on dit ça, si je peux dire conservateur, je m'élève au niveau de mes adversaires, puis je me garde toujours en réserve. C'est un éternel insécure. Ça vient de ma personnalité. Quand j'étais plus jeune, c'est très heureux. Si je pars en voyage quelque part, je sais où je vais coucher. Si je pars quelque part, mes affaires sont toujours bien organisées, bien prévues, puis autant que je partirais pas faire le parc des Laurentides avec une moitié de tank en me disant, je paierais pas trop. Autant que j'aime arriver près dans un combat. Puis que je gère également que j'allais donner plus de jus au dernier round. Mais est-ce que Showtime, t'a donné, t'a parlé après le combat? Est-ce qu'il y a des possibilités après? Écoute, j'ai parlé avec, ils m'ont connu. C'est un ensemble de choses qui font que aux gens aussi. Moi, ils m'ont connu, mon nom Brothers Keeper, le protecteur de ses frères. Bon, peu importe qui je considère comme un frère, c'est pas toujours de ça, mais tu keep, tu protectes pour lui, tu cares, tu c'est lui. Fait que c'est toujours de cœur. J'ai choisi ce nom-là moi-même pour mon frère Hervé, qui était toujours prêt à m'aider dans ce qui est arrivé, connaissant son histoire, qui est décédé. Puis, écoute, mes frères me suivent là-bas. Pierre, j'étais avec moi, Willy est venu, c'est bon aussi, on a mangé ensemble, on a eu tout ensemble, puis ça me donnait confiance. Tu sais, j'étais prêt, même, je m'en allais à la guerre, puis j'étais en première ligne, mais j'avais ma famille avec moi derrière. C'était parfait, tu comprends? Puis je pense qu'on analyse tout ça, puis on est de l'élite mondiale, c'est ce qu'on a prouvé, parce que les cotes étaient 25 contre 1, lui, il devait m'écraser. Fait que c'est lui, en finale, qui a mal paru. Même de son côté, on dit, c'est un paradis sportif. C'est pas that's not the way we want to win. C'est pas comme ça qu'on veut gagner. Fait que je pense que ça peut laisser pas ça comme revanche, on va voir. Je me suis dit, écoute, c'est un humain, il frappe fort, il frappe respectable, mais je peux battre ça. Je suis convaincu. Puis je dis pas ça, t'es un labeur, un imbécile. Je suis convaincu que je peux battre ça. Donne-moi un Piron, un autre Piron, ça va être mieux, ou un Piron, je sais qu'il va descendre parce que c'est comme. La force qu'il a, la lecture qu'il a, le timing qu'il a, la grandeur qu'il a, le gain de poids qu'il peut reprendre après, il est talentueux, il est solide, c'est un solide gaillard, tu vois. C'est que lui, il te rentre dedans de temps par temps, puis il rentre solide, puis il s'impose, puis il est grand, il connaît son, il sait comment se tenir à la bonne distance, puis quelle possibilité de coup tu peux y lancer pour en venir par-dessus. Moi, c'est au niveau du jab qu'ils m'ont eu, j'ai baissé ma main, mes barres sur les gants de haut, parce que je voulais en même temps être à l'aise, mais m'a touché que les gens régulièrement, ce qu'il a gonflé mon oreille. Mais c'est un, comme je te dis, c'est un gars, regarde, il était respecté. Mais écoute, il y a 19 ans, je pense que ça se faisait ressentir sur le long terme. C'est un homme, quand même. C'est, oui, on dit l'âge, j'ai 34 ans, mais c'est pas le train qu'on dit, Gary Benrocket, je le prouve, c'est un chiffre, l'âge, des fois. C'est comment tu te sens, comment tu prends ça de ton corps? Moi, j'étais un éternel, gars de gym, donc encore, j'arrive à m'entraîner, j'entraînais une cliente, puis je m'entraîne avec ma cliente. Hey, dernière question, il arrive quoi avec toi, là? Prochain combat, c'est quand? Écoute, on va avoir des bonnes nouvelles. Tout ça inaugure très bien. Xibella, mon promoteur, il sautait en l'air. Puis, s'il y avait des cheveux, il serait arraché. Il avait aimé sa tête, il criait l'injustice. Puis, il a aimé ce qu'il a vu, puis il m'a dit wow. Puis, il m'a dit, si tu descends à 160, tu vas démolir tout le monde. Là, il y a des plans pour moi. L'idée de 160 est venue à notre tête. Ben oui, tu serais plus fort. Gros, tu serais plus fort physiquement. C'est un gros bonhomme, mais je pense que... Tu serais plus fort, donc de descendre à 170, ce serait l'idéal pour toi. Puis, je pense que la... Mais je vais être obligé de couper sur ma belle shape de 190 livres. Ben, Francie... J'ai deux passions. La boxe et le bodybuilding. Okay. Je respecte les gars qui font du bodybuilding, qui travaillent leur shape. Puis, tu sais, j'aime ça. C'est imposant. Puis, je me dis, je me bats contre un gars comme moi. Si on fait tous les 168, c'est un gars comme moi. Mais ça a l'air qu'il faut passer business aussi. S'il descend à 160, il peut m'amener des millions. Ouais. Let's go for it. Francie, un gros merci. On va s'en reparler après ton combat. Le boxeur de la ville Saguenay, Francie Ntetu.